Mais l'usine étant située à Creil, Sénécal ne pouvait en rien l'aider. Cette réflexion, très simple, abattit son courage comme une mésaventure. Il songea que plus Arnoux serait détaché de sa femme, plus il aurait de chance auprès d'elle. Alors, il se mit à faire l'apologie de Rosanette, continuellement. Il lui représenta tous ses torts à son endroit, conta les vagues menaces de l'autre jour, et même parla du cachemire, sans taire qu'elle l'accusait d'avarice. Arnoux, piqué du mot, et d'ailleurs, concevant des inquiétudes, apporta le cachemire à Rosanette, mais la gronda de s'être plainte à Frédéric. Comme elle disait lui avoir 100 fois rappelé sa promesse, il prétendit qu'il ne s'en était pas souvenu, ayant trop d'occupations. Le lendemain, Frédéric se présenta chez elle. Bien qu'il fût 2 heures, la maréchale était encore couchée, et, à son chevet, Delmar, installé devant un guéridon, finissait une tranche de foie gras. Elle cria de loin « Je l'ai! Je l'ai !» Puis, le prenant par les oreilles, elle l'embrassa au front, le remercia beaucoup, le tutoya, voulut même le faire asseoir sur son lit. Ses jolies yeux tendres pétillaient, sa bouche humide souriait, ses deux bras ronds sortaient de sa chemise qui n'avait pas de manches, et, de temps à autre, il sentait, à travers la batiste, les fermes contours de son corps. Delmar, pendant ce temps-là, roulait ses prunelles. « Mais véritablement, mon ami, ma chère amie !» Il en fut de même les fois suivantes. Dès que Frédéric entrait, elle montait debout sur un coussin pour qu'il l'embrassât mieux, l'appelait un mignon, un chéri, mettait une fleur à sa boutonnière, arrangeait sa cravate. Ses gentillesses redoublaient toujours lorsque Delmar se trouvait là. Était-ce des avances? Frédéric le crut. Quant à tromper un ami, Arnoux, à sa place, ne s'en gênerait guère. Il avait bien le droit de n'être pas vertueux avec sa maîtresse, l'ayant toujours été avec sa femme. Car il croyait l'avoir été, ou plutôt, il aurait voulu se le faire accroire, pour la justification de sa prodigieuse couardise. Il se trouvait stupide cependant, et résolut de s'y prendre avec la maréchale carrément.